J'ai croisé son regard de braise, aux pupilles incandescentes, ressenti le malaise qui pèse lors d'une première rencontre éblouie. Un tantinet timide, je dois l'avouer, j'étais tout oui, pendu à son sourire, souhaitant goûter ses lèvres. Les mots me manquent et mon comportement étrange la gêne. Émotionnellement fragile, se risque les poils de ma chair. Une brise glacée est venue caresser sa silhouette. Et si je dis vrai, j'étais comme enivré dans l'hiver. Elle a posé sa main d'une manière délicate, apprivoiser mon chagrin en redistribuant les cartes à ses côtés, le reste est futile. La réalité n'est pas le temps, se fige. J'ai pudiquement lui dis-je qu'elle me plaît gaver. Du mal à respirer, mon cœur s'emballe. Les opposés s'attirent, des choses qui ne me ressemblent pas. On passe peut-être d'avoir trouvé la perle rare, une femme qui est aussi sincère que les couplets crapés le rat. Au contact de sa peau, mes malheurs s'allègent. Ma main caresse sa peau, ma tête tourne comme un manège. Je m'érisse quand je la frôle, j'ai effleuré sa langue. Gentil et la gopro, je suis tombé sur un ange. Je vais pas te mentir, j'ai la colle. Oui, son regard pétille, à croire que je sors de 8 ans de tôt. Son sourire m'ouvre l'appétit. Une caresse et je m'envole. Au-dessus de la file, contre mon corps, elle se colle. C'est de la folie quand ça vibre. J'étais tout content comme un gosse avec un nouveau jouet. Tout content de contempler son corps avec son nouveau jouet. Elle me paraissait beaucoup trop belle pour ça. Mais elle s'accaparait mon cœur irresponsable. On s'est regardé sans rien dire, sentir monter la pression. Sans ne jamais lasser des sentiments que l'on affectionne. Le miroir essuyant l'air dans la pièce est humide, hallucinant. Cela fut horrible malgré son allure timide. Son corps étalé dans des draps en satin de couleur sauvage. Elle a des paillettes sur la queue de cheval. Et je ne souhaite pas m'attacher car ses courbes sont lancinantes. Cette manière si lente de se mettre à nu en silence. Chez elle c'est inné, voire même inévitable. Ce côté destiné à réveiller ce qui est vital. Je la vis étalée, un visage tel qui frôle l'irréel. La fille de mes rêves m'a fait goûter ses lèvres. Au contact de sa peau, mes malheurs s'allègent. Ma main caresse sa peau, ma tête tourne comme un manège. Je m'érisse quand je la frôle, j'ai effleuré sa langue. Gentil et la gopro, je suis tombé sur un ange. Je vais pas mentir, j'ai la colle. Oui, son regard pétille, à croire que je sors de 8 ans de tôt. Son sourire m'ouvre l'appétit. Une caresse et je m'envole. Au-dessus de la file, contre mon corps, elle se colle. C'est de la folie quand ça vibre.